Je gère, j'ai le compteur des terres. Je gagne la plume, arme primaire. Je m'insère et détecte les insectes comme une injection. Je fais de la gestion, gestionnaire un rapport de force. Je manœuvre et provoque un choix. Je prends les manettes, mes pays. Purchase your tracks. Je suis sur les réseaux, j'attends un bienvenue. Tu m'as vu, une vue de loin, j'y suis pour rien. J'attends rien en retour à part un bon tuyau et une entraide professionnelle. Je ne suis pas un clown qui fait qui se coule. La navette je gère, je me promène de gauche à droite. Je monte de haut en bas, toujours parti pris. Quel est ton prix? Check-ease la lame et ma plume bien arrivée. Je suis navré, petit navire, le ton est posé. J'ai raison car je prends de la donne et redonne pour un petit papillon. J'ai tout perdu, je me suis vu et dit t'inquiète, va faire avec pour rebondir, j'en jette. Le local de la campagne. Le local de la campagne. Livraison à domicile, je fais et refais. Je suis refait, gestion des différents étages. Organisation, planification pour un monopole. Qui parle, qui garde, qui donne, je redonne. Je suis grand, je prends de la place sur la surface de la terre. Région abandonnée, retour à l'arrière. Car il y a des profits qui profitent. Balayage et nettoyage, je fais de la place. Grande surface égale fourniture alimentaire. Location des locaux capitaux, c'est capital. J'ajoute à la bouffe un prix bien détaillé. De bout à bout, on ajoute les frais au kilo coût. Regarde tout en bas des rayons, tu as le meilleur tarif pour un bon prix. À cela, je taxe et retaxe mes produits en magasin. La publicité dans les journaux pour faire la promotion dans les rayons imprimés sur le papier pour vendre. C'est primaire avec le magasinage et ses bons prix mis de côté compte pour l'offre et la demande que je propose d'acheminer les camions avec chauffeur non rémunéré sur la marchandise. Le pétrole pour rouler et doit être accompagné un à compte pour rendre des comptes. La lumière fut alimentée de bout en bout de la chaîne, l'enseigne dans le produit gratuit mais y compris dans le prix final pour être proposé à la location. Il est dû sur une consommation.